Je tourne à droite. Je dois céder le passage à droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.